D'accord, donc je m'appelle Nicolas Fauvet, je suis étudiant à l'École supérieure du bois en deuxième année. Ok. Sinon, à la base, j'ai plutôt une formation dite technique. Je fais un BTS dans la construction en bois, donc le matériau, je maîtrise plutôt bien. Après, l'école d'ingénieur, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Donc là, par exemple, avec le projet sur lequel on travaille, le P2I, ça permet d'avoir une vision à la fois sur les études de marketing, design, recherche et développement, enfin, c'est jusqu'à la mise en industrialisation. Ok. Est-ce que tu peux me présenter, enfin me parler rapidement de la poubelle sur laquelle vous êtes en train de travailler? On a récupéré un projet de première année appelé le Trinamic, donc qui récupérait différents types de déchets. Donc c'était les canettes, les déchets plastiques et puis également une partie compost. Donc nous, pour le P2I, on a choisi le compost essentiellement, avec donc une innovation de rupture, comme l'a dit Solène, par rapport au composteur actuel. Et ce serait pour un environnement de l'école avec pour des enfants donc en primaire. Ok. À la base, du coup, le trinamique, ça avait été fait par les étudiants de première Voilà. année. Et vous, quelles modifications vous avez apportées jusqu'à maintenant? Et aussi, à quel public, ouais, vous le destinez, à quel endroit On était de assez l'année? libre là-dessus, donc pour le public, on a choisi l'école parce que ça collait bien avec le recyclage. Après, le Trinamic, c'était un projet assez encombrant, donc pour le mettre dans une école, c'était un peu trop gros. Donc d'où le fait de s'intéresser essentiellement au compost. Ce que je disais, c'était oui, quelle modification du coup sur la depuis la première version? On pouvait tout modifier, donc Tout. on a juste gardé l'idée du compost. Ouais. Et donc on s'est rebasé là-dessus, et puis Ok. en adaptant l'enfance, quoi.